coucou. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes là? Vous êtes là pour cette 780e émission. Eh oui. Les émissions, ça commence à chiffrer. Hein? Bon, allez, on va pas trop parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas trop parler, on va surtout écouter de la musique. Oui, c'est une période propice à cela. Histoire de... Comment dire? De se mettre les oreilles à l'unisson. On va dire ça comme ça. Hein? Allez, c'est parti. C'est parti pour cette 780e émission de Rendez-vous avec vous. Ça commence fort, hein? Ah oui, ça commence fort. Mais c'est pas fini, hein? C'est pas parce que ça commence fort que c'est désagréable. Non, pas du tout. On est parti pour... Ah là, c'est une musique... C'est une musique pour un ange. Donc, on va laisser passer l'ange. Thank you. Bon, eh bien, vu que cette musique a l'air de vous plaire, eh bien, on va tout simplement rester encore quelques minutes avec cette belle douceur. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ce n'est pas à coup de nuit de fausses joies. Ça, c'est une musique que l'on entend, le plus souvent bien pendant les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an, vive le vent. Voilà, c'est un petit, un petit clin d'œil à cette saison hivernale qui fait que, eh bien, on peut encore se réunir. Et puis, pourquoi pas se rendre tout simplement au bord de la mer. Et je reste des heures à regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Tout est couleur de pluie, tout est couleur d'hiver. Je suis ce fier bateau qu'on vit un jour partir et qui n'en finit plus de ne plus revenir.

On va faire un petit voyage au son d'une guitare. Et puis, au son de cette guitare, nous allons nous diriger tout tranquillement du côté de Rome. Thank you. tellement chanté de ces chansons d'amour où l'on faisait rimer amour avec toujours tellement merveilleux qui n'en finissent pas de parler de ciel bleu, de serments et de joie. Et si c'était vrai tout ce que je dis tout au long de mes chansons, et si ça m'arrivait de pouvoir un jour rencontrer le garçon qui me ferait vivre cette joie de vivre que je chante chaque jour. Et si c'était vrai que toute ma vie soit comme dans mes chansons, et si ça m'arrivait de voir mon bonheur au bout de l'horizon, ça me ferait croire que dans chaque histoire il y a toujours un peu de vrai. Dans les romances, il y a quelquefois des amours qui commencent, mais qui ne durent pas. Mais c'est plus fort que moi, je n'y crois pas tellement. Quand un jour on m'aimera, ce sera pour longtemps. Et si c'était vrai ce que je dis tout au long de mes chansons, et si ça m'arrivait de pouvoir un jour rencontrer le garçon qui me ferait vivre cette joie de vivre que je chante chaque jour. Et si c'était vrai que toute ma vie soit comme dans mes chansons, et si ça m'arrivait voir mon bonheur au bout de l'horizon, ça me ferait croire que dans chaque histoire il y a toujours un peu de vrai. Et si c'était vrai, et si c'était vrai, comme je mais c'est forcément vrai. De toute façon, ça ne peut que être vrai. Quand une chanson est chantée de cette manière, cela ne peut que être vrai. D'ailleurs, petite chanson, allez, un peu espagnole, un peu française, avec Agustín Galeana. Elles dansent sous le ciel, elles aiment chanter la vie. Leurs beautés sont pareilles, allument l'incendie. Quand leur feu se réveille, toujours après minuit, la nuit se fait soleil sous la pluie. Toi l'insoumise, toi l'insolente, à la couleur des rêves, les heures se fichent et se suspendent au rouge de tes lèvres. Hola, hola, hola. Elles ont le regard muy caliente. Hola, hola, hola. Elles ont le cœur toujours ardiente. Hola, hola, hola. Elles savent me tan suavemente. Les Espagnols aman el sol. Les Espagnols aman el sol. Les Espagnols. Elles allument leurs yeux comme de lueurs d'espoir, et chantent sous les cieux les feux de leur histoire. Elles aiment comme elles dansent, toujours avec ardeur. Leur fierté est immense, moins que leur cœur. Toi l'insoumise, l'étoile filante, berce une nuit de fièvre. Mes heures sont grises quand il me manque le rouge de tes lèvres. Elles ont le regard muy caliente. Hola, hola, hola. Elles ont le cœur toujours ardiente. Hola, hola, hola. Elles savent me tan suavemente. Les Espagnols

cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido y ahora ves que nunca he sido tuyo y ahora sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les diré de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tú luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, era un río en tu mar. Ya ves, tú nunca me has querido y ahora ves que nunca he sido tuyo y ahora sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, de que te diré de mí. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido y ahora ves que nunca he sido tuyo y ahora sé, pues solo por orgullo ese querer. Ah, c'est un grand monsieur, ce Bertine. Eh oui, c'est un grand monsieur. C'est un Hidalgo espagnol, le vrai type d'Hidalgo espagnol. On ne peut pas le rater, celui-là. Non, on ne peut pas le rater. Puis en plus, avec une voix comme il a, je ne vous explique pas. Allez, on est parti. Et oui, vous savez que dans quelques heures, ce sera, on va passer le cap d'une année. Et oui, on va encore passer le cap d'une année, comme le temps passe vite, hein, comme on le dit. Hein. On le dit très souvent, mais ça devient de plus en plus vrai. Et donc, musique exceptionnelle, du moins musique de circonstance, bien évidemment, pour cette nouvelle année qui s'approche à grands pas, plus que quelques heures. Thank you.

ce bref moment comme un coup de vent. Mon corps a froid. Et je t'aime pourtant. De l'absence de tes Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Bonne année ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. bonne année nouvelle, qu'elle soit la plus belle, que le bonheur soit parmi vous et que la joie de vivre vous inonde, tout simplement. Pour terminer cette deuxième partie de l'émission, je vous propose un conte, un petit conte. Bonne et heureuse année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras que les battements tristes et gratuits, dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne et heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas. À tous ceux que vous frôlez le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent ne le sachant même pas. Bonne et heureuse année à tous ceux qui portent en eux blessures vraies, un immense néant fait de tous les arrachements. Bonne et heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne et heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement qu'un poids d'hélium. Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix. À tous ceux qui sont purs dans leurs pensées et leur amour, bonne et heureuse année à vous tous qui donnez un sens divin à l'humanité. On ne peut que souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, et puis quoi vous dire de plus, d'essayer tout simplement de faire ce chemin qui nous sépare. Voilà, un long chemin en tout cas que je souhaite à toutes et à tous, tous les collègues, tout l'ensemble de la radio se met dans ses paroles, bien évidemment. Voilà, une très, très bonne année à vous toutes et à vous tous. Allez, c'est parti avec le quart d'heure italien. C'est parti! Da quando tu sei qui vicino a me, mi sembra diversa, lo sai, la tua forza e la serenità, e sono fortunato ad averti con me. Tu ci sei nelle notti più buie, ci sei a proteggermi il cuore da tutte le mille tempeste che vivono in me.

amore se lo vuoi, lasciatela dormire, non farla risvegliar dalla finestra, affacciati se vuoi sentire. Je voudrais remercier très chaleureusement Françoise du côté de Champfromier, Françoise et Jean-Paul bien évidemment, parce que Jean-Paul c'est Françoise et Françoise c'est Jean-Paul, tout simplement. Je voudrais leur faire un gros coucou de la part de toute l'équipe de la radio, parce que c'est vrai que les mots quelquefois sont forts. Il est vrai que voilà, ces mots, on aime à les entendre, à les écouter, parce que quelque part, ils apportent bien souvent le réconfort. En tout cas, nous, nous sommes heureux à la radio, tout simplement parce que on sait que celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, nous apprécient. On n'a pas pour cela la grosse tête, hein, c'est pas ça, on n'a pas les chevilles qui enflent, comme on dit, mais on a le cœur chaud, parce que on vous aime. Merci Françoise, merci Jean-Paul. Le quart d'heure italien, une romance d'amour, eh bien c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. Come un romanzo, romanzo d'amore, la nostra storia è come il mare, l'onda che arriva e poi si ritrae contro gli scogli, poi d'un tratto si infrange in un romanzo. Abbiamo vissuto quante montagne abbiamo scalato, quel giorno il nostro amore ci ha uniti e poi la gelosia ci ha divisi, con te ho litigato ma poi ti ho amato. Per me al mondo c'eri solo tu. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su. Romanzo d'amore, storie di vita tra quattro mura, piogge, tempesta, poi torna il sole, ma quest'amore non si dissolve. Quel giorno il nostro amore ci ha unito, ci ha divisi, con te ho litigato ma poi ti ho amato. Per me al mondo c'eri solo tu. Che strana è questa questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su. On est dans le quart d'heure italien. On est dans ce quart d'heure italien que vous aimez et qui nous traîne comme ça et qui nous entraîne, bien évidemment. La lune, eh bien, elle est là-haut, elle est dans le ciel. Elle est dans le ciel et elle nous chante une romance, tout simplement. Et cette romance, eh bien, je vous l'offre, je vous l'offre. Sola qui con te, no. Allez, on est dans la dernière ligne droite, comme on dit, hein. Et puisqu'on est dans cette dernière ligne droite, eh bien, on va faire comme si on y était. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. L'ha scolpita in un tronco d'abete un bel pastorello. All'altare di quella cappella le guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un di pitturata. Ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo, tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, al tepore della primavera. Fiori sei tu, filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Passato un mattino d'autunno su verde sentiero, la Madonna da riccioli d'oro non c'era mistero. Nella nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. E un viandante che passa davanti prega più non può. Madonnina da riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo, tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, ma il tepore della primavera. Sei tu, filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Pastorello e pittore di un tempo, c'è urgente bisogno di voi, la Madonna dei riccioli d'oro, ritornate a rifare per noi. Filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi, siamo cristiani e siamo figli tuoi. Mezzanotte, l'anno che muore, ci saluta, me spose va, sorge l'alba, spera ogni cuore, nuovo anno più lieto sarà. Buon anno ti è felice nella vita. Senza spina e un nuovo cuore degno d'amore. Voilà, c'est en vous souhaitant la bonne année que l'on se quitte dans cette émission pour mieux nous retrouver très bientôt sur le 91 et sur le 102.5. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, oui, je vous embrasse aussi et je vous souhaite une très, très belle nouvelle année. À très bientôt, à très vite. Bon anno ai bambini. Abbraccerà dal cielo la mamma luna, noi li stringiamo al cuore ad uno, buon anno, buona fortuna. sera, te lo porto di sabato sera. Sorgia FM.